Je peux rouler avec. Les feux de position uniquement. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C. Les feux de brouillard arrière. Réponse D.